Et oui, dans mes sons, je raconte mon vécu. Je parle de la vie de mes frères qui cantinent seul en cellule. Je repense à avant, et ouais, j'avoue que sans vous c'est nul. Trois qui perdent la boule, c'était pas la même avec du recul. Tu nous têtes, tu coules, au pire fini en ITT. Prends de haut personne pour rien avoir à regretter. J'ai tourné au ciel, j'ai fait le con, j'ai fini pété. Faut se barrer loin de là, le beau temps là c'est l'été. Très loin du ghetto, les bleus la cité. À cause du bédo sur certaines têtes, un prix est fixé. Y'a plus de limite, moi-même je sais plus ce que je dois viser. Nous on vise de loin, une porte qui s'ouvre direct, j'y vais. Vas-y la faire à gauche, on vient de la zone, on fume que la bombe. Celui qui te met bien, qui pose à la côte. J'arrive l'équipe d'à côté, c'est pas la folle ma pote. On va te mettre d'à côté. La zone là, la bomba, te mets bien. J'suis défoncé, j'suis trop rabatte, ouais. Tu manques trop, faut qu'on se capte, ouais. Excuse-moi, j'ai manqué ton appel. Ça me permet de me vider quand j'rappe. H24-7 sur 7. Le frère te fait un rap. Tu dis qu'il prend la tête. Oh mon pote, oh mon pote. J'ai pas la tête à la fête. Quand t'as Wallou dans l'assiette. J'suis dépensé, j'me suis fait niquer le bric. J'suis dans ma musique, j'suis au quartier, j'vais clipper. Jamais renoncer, c'est la bonne mentalité. J'me prends le cerveau, mais j'ramène la qualité. D'un coup t'es parti, j'comprends pas. Tu m'as dit Nabil, reprends-toi. Fais que tourner, pourtant tu pourrais changer beaucoup de choses si vraiment tu le voulais. Alors j'ai voulu, j'ai pas fait mes valises. J'ai resté, j'me suis battu sans trop penser au rallye. Un vrai désert, c'est tenir le volant. Choqué à Oran, ça va finir en Hollande. Ok, elle vira, tu sais c'est qui comment. Prends pas la tête, fais-moi à manger, passe la télécommande. Vas-y, l'affaire à deux, on vient de la zone. On fume que la bombe, celui qui te met bien. Qui pomme à la côte, qui chérisse l'équipe d'à côté. Et pas la folle ma pote, on va te mettre de côté. Malusine money.